O courage, your lotus. De Banicura, perspicace, poème des étreintes. Mon cœur vibre à la parole du bien. Moi je dis mes fêtes au roi. Ma langue est le stylet de Sripapig. Plus beau que les fils du humain, le grâce coule de tes lèvres. Je crois Elohim te bénit ton pérennité. Sens ton épée sur ta cuisse héros, ta majesté, la magnificence. Ta magnificence triomphe, chevauche pour la parole de vérité, d'humilité et de justice. Elle t'enseigne les frémissements de ta droite. Tes flèches affûtées, les peuples tombent sur toi, au cœur des ennemis du roi. Ton trône, Elohim, à jamais. Le sceptre de ton royaume est le sceptre de rectitude. Tu aimes la justice, tu haïs le crime. Ainsi, Elohim, ton Elohim, ta merci de lui l'exploitation, plutôt que des associés. La mire, à l'aloès, la canale, sur tous tes habits, des palais d'ivoire, les cithares te réjouissent. Des filles de roi parmi tes chéris, la dame se pose à ta droite dans un vermeil d'orphir. Entends fille, vois, tends ton oreille, oublie ton peuple, la maison de ton père. Le roi a désir de ta beauté. Oui, il est ton Adam, prosterne-toi devant lui. Fille de Saul et riche du peuple, souhaite tes faces avec des offrandes. Toute sa gloire, fille de roi, et intérieure, vêtue des certitudes d'or de son vêtement. Dans les broderies, elle est conduite au roi, les vierges derrière elle, ses compagnes amenées à toi. Conduite dans la joie et allégresse, elle vient du palais du roi. À la place de tes pères seront tes fils, tu les placeras en chef de toute la terre. Je mémorise ton nom partout, d'âge en âge. Les peuples te célébreront ainsi en pérennité, à jamais.